La culture de l'excuse. L'imam Ali a dit, acceptez les excuses des gens, vous apprécierez leur fraternité, et les rencontrerez avec les humains, leur haine périra. Les excuses sont un comportement moral élevé qui reflète cet esprit positif dont jouit l'apologiste ou le pardonneur. Des excuses sont une annonce pour commencer une nouvelle page dans laquelle l'esprit d'amour et de tolérance prévaut. Et pour surmonter le passé avec tous ses points négatifs, les excuses sont le doux parfum qui transforme le moment le plus insensé en un beau cadeau. S'excuser est une culture saine qui n'indique pas une personnalité faible, mais plutôt une personnalité forte qui a pu vaincre toutes les obsessions du mal, de la haine et des rancunes. Et les a remplacés par des sentiments d'amour pour les autres, appréciant leurs sentiments et bougeant avec d'un monde de tristesse et de dépression à un monde de joie et de bonheur. Oui, c'est la culture de l'excuse. Et il faut l'art de la maîtrise. Qu'est-ce qu'une excuse ? Les excuses sont exprimer la susceptibilité à un défaut, une erreur, un retard ou un malentendu. Intentionnel ou non, un acte noble et généreux qui donne l'espoir de renouveler et de renforcer la relation. L'engagement car il nous pousse à travailler à l'amélioration de la relation et à notre développement. La clé de la tolérance est une porte majeure d'amour et de paix. Car elle préserve la dignité humaine. En bref, il s'agit d'une compétence de communication sociale composée de trois points principaux. Premièrement, éprouver des remords pour ce qui vous est arrivé. Deuxièmement, prendre ses responsabilités. Troisièmement, que vous ayez le désir de régler la situation. Raison pour ne pas s'excuser. Considérer les excuses comme une faiblesse ou comme un comportement qui ne fait que gaspiller et diminuer la dignité. Ignorance de la vertu de s'excuser. Et que c'est une des plus nobles mœurs. L'indifférence de la personne fautive. Je pense que des excuses sont inutiles. Être influencé par les habitudes des autres et de l'environnement en négligeant de s'excuser. Peur de l'embarras, de la réprimande, du ridicule ou éventuellement de la punition des autres. Les nombreuses erreurs et leurs répétitions engendrent de s'y habituer, et de ne pas s'en excuser. Ne ressentant pas la condition de l'autre partie qui a fait une erreur contre lui. Et il ne s'est pas excusé auprès de lui. Les avantages de s'excuser. Il nous aide à surmonter notre mépris de soi et nos remords. Restaure le respect pour ceux que nous avons offensés et les dépouille de leur colère. Ouvre la porte de la communication que nous avons fermée. Il guérit les blessures et les cœurs brisés. S'excuser est un art qui a ses origines et ses règles, dont les plus importantes sont l'élément de synchronisation et sa bonne sélection est la première étape dans la pensée des excuses. Il est nécessaire de choisir le moment approprié pour présenter des excuses à ceux à qui nous avons fait du tort, car les choses dépendent de leur timing, comme l'a dit l'imam Ali. Réfléchissez bien à la question des excuses, essayez de déterminer son style avant de l'offrir. Une réflexion profonde fait place à une présentation rationnelle et acceptable. Imam Ali a dit : si vous réfléchissez à toutes vos actions, vos conséquences s'amélioreront. Déterminez soigneusement l'objet du différend, surtout si les excuses sont venues après un certain temps. Essayez de ne pas y échapper en oubliant. Adoptez des euphémismes et des signes spontanés qui expriment tous vos sentiments sincères dans vos excuses. Nous ne devons pas nous excuser auprès de la personne que nous avons lésée devant les autres afin de ne pas blesser ses sentiments. Acceptez l'excuse. Les enseignements et les commandements religieux exhortent à l'acceptation de l'apologiste, au pardon pour lui et à l'oubli de ses erreurs, et même à lui demander des excuses s'il n'en a pas. Le commandeur des fidèles Ali dit : acceptez l'excuse de votre frère, et s'il n'a pas d'excuse, alors cherchez une excuse pour lui. Soyez excusable, oubliez ces querelles. Vivez heureux avec les autres. Cité de MUZN Cultural Network. Professeur, Radi Mansour Al-Asif. Réglage audio, la bibliothèque islamique Imami.